Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. À l'heure de la prière, mieux qu'un psautier ou qu'un bréviaire, le fidèle se saisit de son livre d'heures. Il y trouve l'office des morts, les psaumes pénitentiels, les heures de la Vierge. Il y trouve aussi de jolies peintures et des enluminures. Alors le fidèle, un tantinet distrait, jette un œil sur ces ornements et sur les riches miniatures qui illustrent le manuscrit. Au milieu de la faune et de la flore, tient ici un renard déguisé en frère prêcheur. Il parle à des poules et à une oie. Ailleurs, il y a un âne, celui de la crèche, avec son gros œil arrondi. Et puis là, une chimère grotesque ou encore, une quicoute. Oui, ces livres venus du Moyen-Âge nous fascinent. Allez, il est l'heure de parler des livres d'heures. Ne nous faisons pas prier. Toute la semaine dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à l'histoire du livre. Oui, parce que nos émissions ne seraient pas les mêmes sans les livres. Alors explorons la généalogie du livre, quand à l'origine était la tablette et le papyrus. Et puis nous irons faire un tour sur le marché, mais le marché du livre avec l'invention de la librairie. Et puis nous allons feuilleter des livres, mais qui se trouvent dans notre poche. Évidemment, le livre de poche des émissions à écouter, à podcaster pour la balado-diffusion en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr et sur l'application Radio France. Aujourd'hui, les très riches heures de l'enluminure. Avec vous, Inès Villela-Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste, paléographe, conservatrice du patrimoine. Vous êtes spécialisée dans la peinture, l'enluminure du Moyen-Âge et notamment l'autrice de Bréviaires de Châteauroux ou encore du gothique international, l'art en France au temps de Charles VI et d'un ouvrage intitulé « Les très riches heures » de Jean de Berry. Ces très riches heures de Jean de Berry nous conduisent immédiatement à Chantilly. Avec vous, Marie-Pierre Dion, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Mais merci d'être là, parce que vous êtes conservatrice générale des bibliothèques du musée Condé de Chantilly. Vous êtes commissaire de l'exposition « Collectionner les livres d'heures » qui est présentée au domaine de Chantilly jusqu'au début janvier 2021. Dites-nous, Marie-Pierre Dion, qu'est-ce qu'un livre d'heures ? Alors, un livre d'heures, c'est un support de dévotion écrit, abondamment illustré, maniable, dont les laïcs se sont emparés à la fin du XVe siècle et qui a donc été produit en très grand nombre. Donc c'est un livre de prière personnalisé qui a donné lieu à toutes sortes de pratiques nouvelles. Inès Villela-Petit, justement, ce livre de prière, nous l'avons entendu, est destiné aux laïcs. Il y a bien quelque chose d'essentiel dans ce livre d'or, c'est bien que c'est un ouvrage qui est répandu. Ce n'est pas du tout un ouvrage que l'on va retrouver uniquement dans les monastères ou dans les églises. C'est quelque chose qui est répandu dans la société. Alors, qui s'est répandu progressivement, en fait. On a les prémices, en fait, au XIIIe siècle, avec l'apparition de psautiers livres d'heures, au départ principalement pour des personnages de rang princier, mais qui progressivement va se populariser jusqu'à se démocratiser au XVe siècle avec le développement de l'imprimerie. Et ce sera un des grands succès d'imprimerie, en fait, jusqu'au XVIe siècle. Oui, voilà, on peut parler de best-seller. En tout cas, c'est le mot qui est utilisé pour le présenter l'exposition dont vous êtes commissaire, Marie-Pierre Dion, au musée Condé de Chantilly. Ces livres d'heures étaient nombreux. Il faut le dire tout de suite, parce que nous réfléchissons dans le cours de l'histoire au livre en tant qu'objet. Nous réfléchissons à sa matérialité. Les livres d'heures peuvent prendre tout type de forme. Il y en a d'assez simples et d'extrêmement prestigieux. Alors, Marie-Pierre Dion est en train d'arpenter les couloirs du musée Condé à Chantilly. Dites-nous, Inès Villela-Petit, je vous pose la même question. C'est vrai que ces livres d'or peuvent avoir toutes les formes possibles. Bien sûr. Alors, en fait, on a le livre qu'on pourrait dire standard, avec ses textes essentiels, que sont les heures de la Vierge et l'office des défunts. Mais évidemment pour des personnages plus fortunés et notamment les princes, on peut faire ajouter et surtout personnaliser son livre d'heures ou parfois ses livres d'heures et ils prennent une ampleur qui est d'ailleurs à l'inverse de son usage premier, puisque l'idée d'avoir un livre de poche, en fait, pour la dévotion, mais certains princes, notamment Jean de Berry, vont se faire faire des livres d'heures de très grand format, avec un enrichissement de peinture pleine page, et qui en font peut-être moins des livres directement pratiques que des livres destinés à la contemplation avec un caractère esthétique, en fait. Oui, parce qu'il y a vraiment un côté pratique hein, dans ce livre d'heures, et pour certains, ils sont, vous l'avez évoqué, format, poche, on peut les transporter, c'est un petit ouvrage. Parfois, ils sont immenses, mais ils peuvent être pas très grands. Le contenu ne nécessite pas d'avoir un énorme volume. Oui, d'autant qu'on fait même des reliures textiles en forme de pochons qui permettent de les avoir suspendus à la ceinture et donc de les garder sur soi et disponibles à toute heure, puisque le principe du livre d'heures, c'est un ouvrage qui sert à une pratique dévotionnelle quotidienne, et on scande la journée d'un certain nombre de lectures et de prières sur le modèle de la vie monastique, qui est une sorte d'idéal religieux. Oui, parce que le livre d'heures est calqué, en fait, et nous l'avons déjà dans ce nom, un livre d'heures, sur le calendrier, sur le temps. Dites-nous, Inès Villers-Lapetit, quelles sont ces heures que l'on retrouve dans ce mot « livre d'heures » ? Alors, les heures du jour, suivant la manière romaine, en fait, la journée est divisée en 7 heures, 7 heures diurnes, et qui varie suivant qu'on est en hiver ou en été, suivant la durée du jour. Donc les heures à laquelle elles tombent ces heures peuvent varier, et on en a 7. Ce sont les laudes, primes, tierces, sextes, nones, vêpres et complies. Et dans la vie monastique, à chacune de ces heures, qui correspondent la première à l'aube, la sexte à midi, etc., jusqu'au coucher du soleil, donc correspondent des prières qui vont scander la journée et sanctifier, en fait, le temps. Et l'idéal des laïcs pieux est, avec une forme abrégée, en fait, de cette liturgie des heures, mais de sanctifier leur propre temps quotidien en prenant le temps de la dévotion régulièrement dans la journée. Eh bien, je vous propose la présentation d'un des plus célèbres, si ce n'est le plus célèbre des livres d'heures, ce sont les très riches heures du duc de Berry. Une présentation qui avait été faite sur RFI dans l'émission Parole de France, c'était en juin 1990. Vous vous demandez sans doute ce qu'est un livre d'heures. Aucun rapport avec une pendule, bien qu'il s'agisse en quelque sorte de mesurer le temps. Pour bien comprendre à quoi correspond la réalité d'un livre d'heures, il faut flirter un peu avec le mysticisme. C'est le cas de la plupart des gens au Moyen-Âge. Le monde occidental a besoin de prier. Un livre d'heures, c'est donc un recueil de prières à l'usage du commun des mortels, désirant, tout comme les prêtres, les moines ou les nonnes, s'adresser à Dieu à certaines heures fixes. Prière du soir, prière de la nuit, prière du jour, etc. Qui ne connaît la chanson « Frère Jacques » ? Il y est question de sonner les matines. Les matines, bien sûr, ce sont les heures consacrées aux prières du matin. Sonner les matines, évidemment, sur RFI, à propos des livres d'heures. Marie-Pierre Dion, ces livres d'heures ont un côté extrêmement pratique. Comment étaient-ils utilisés ? Ce n'est pas simplement un livre que l'on lit, il a vraiment une utilité pratique. Alors, les livres d'heures se lisent, se regardent. Ils sont rythmés par des images qui permettent de se repérer facilement au sein du livre, et c'est une des raisons de leur succès. Hein, ce sont des livres à l'intérieur desquels il est facile et agréable de naviguer. Chaque prière est introduite par une image emblématique, par exemple l'Annonciation pour Matine. Et donc ces livres séduisent un très large public. Ils sont utilisés aussi pour d'autres buts que la prière. Ils servent par exemple à apprendre à lire pour un certain nombre de publics qui n'ont pas la chance d'étudier dans les écoles ou qui n'ont pas de précepteurs et qui donc apprennent à lire en famille. Oui, le livre d'heures a une véritable utilité. Nous le voyons bien qu'il accompagne, en fait, les hommes, les femmes du Moyen-Âge. Inès Villela-Petit, d'ailleurs, il y a une idée à casser, sans doute, les enluminures nous fascinent dans ces livres d'heures, comme une évidence, avec toujours cette idée que les enluminures servent à ceux qui ne savent pas lire. Alors, sans doute, il est toujours bien de voir des images. En vérité, ces enluminures nécessitent déjà une forte connaissance pour être décryptées. Oui, alors certaines sont très familières dans la culture de l'époque, puisqu'on va retrouver des représentations de la crucifixion ou de l'annonciation que les fidèles avaient l'habitude de voir dans les églises, de voir au carrefour, donc avec lesquelles ils étaient familiers. Mais évidemment, une image, elle se comprend dans une culture et en fonction d'une culture donnée. L'idée que l'image servirait pour les analphabètes, en fait, c'est une idée qui nous vient de Grégoire le Grand, qui voyait donc un livre, une façon d'enseigner les personnes qui ne savaient pas lire. Mais en réalité, il y a un préalable, donc une culture préalable à la compréhension de ces images. Et on a même des images théologiques extrêmement complexes et qui, justement, ne sont pas accessibles à tout le monde. Voilà, des images plus ou moins complexes, et ces images nous intéressent particulièrement aujourd'hui parce que elles reflètent, vu qu'elles sont produites pour un public laïque, d'autres préoccupations que celles qui sont religieuses. Marie-Pierre Dion, sur ces livres d'heures, ces images ne sont pas essentielles, hein, faut le rappeler, il y a des livres d'heures qui n'ont pas particulièrement d'images. Nous retenons vous êtes conservatrice au musée Condé de Chantilly, les plus importants, notamment les riches heures du duc de Berry. Mais il y a des livres d'heures sans particulièrement d'images. Il y a des livres d'heures effectivement très, très dépouillés. Tout est fonction de la richesse et des moyens du commanditaire du livre d'heures. Il y a des livres d'heures dont les textes sont particulièrement intéressants et ne sont pas stéréotypés, auxquels des laïcs ont pu ajouter des prières personnelles ou des prières en langue vulgaire qui les rend aussi intéressants pour les historiens d'aujourd'hui que des livres d'heures qui seraient revêtus de riches enluminures. Et bien justement, pour avoir un extrait de ce que l'on peut trouver dans les livres d'heures, je vous propose la lecture par Daniel Königsberg des heures de Notre-Dame de Tache Deschamps. Donc là, nous nous trouvons dans la deuxième moitié du XIVe siècle et nous touchons à de la poésie autour de ces livres d'heures. Il me faut des heures de Notre-Dame comme il convient à une dame de noble lignée, qui soit finement ornée d'or et d'azur, riches et élégantes, bien structurées et bien peintes, reliées de draps de fil d'or. Et quand elles seront ouvertes ou fermées avec leurs deux fermoirs d'or, qu'alors ceux qui les verront puissent dire partout et raconter qu'on ne peut en porter de plus belle. Daniel Königsberg qui nous disait ce poème d'Eustache Deschamps, donc extrait du miroir du mariage au XIVe siècle, où il est question de ces livres d'heures, ces belles heures pour une noble dame avec ses beaux fermoirs. Il y a toute une économie du livre d'heures. Inès Villela-Petit, dans l'extrait que nous avons entendu, là nous sommes vraiment dans l'apparat. C'est ostentatoire de posséder un si beau livre d'heures. Oui, et Eustache Deschamps le dit avec ironie, en fait, cela devient un objet qu'on doit avoir, le must-have de l'époque, et il y a dans la diffusion même du livre d'heures cet aspect convoité aussi qu'une dame de bonne famille doit montrer. Les images en fait qui font aussi l'attrait de beaucoup de ces manuscrits, évidemment un caractère d'embellissement en fait, d'enrichissement du livre, mais sont aussi directement un support de la dévotion, d'une dévotion en fait qui à l'époque est très très sensible, très intimiste et qui passe par l'émotion. Donc on ressent l'émotion devant la nativité, on compatit devant les plaies du Christ, on a l'idée de participer au sacré. Et quand le livre, quand on n'a pas les moyens d'acquérir un livre plus illustré ou de faire un livre très illustré, la prière passe quand même par la représentation mentale de la scène. On se projette, en fait, on cherche à participer au sacré et on visualise. Et les images, quand il y en a, servent à cette visualisation, en fait, des scènes sacrées auxquelles on veut être associé au plus intime. Oui, il y a quelque chose qui est lié au sensible et ce mot est essentiel dans notre approche des livres d'heures. Marie-Pierre Dion, sur ces livres d'heures que vous connaissez bien parce que conservatrice du musée Condé de Chantilly, vous en avez plein, j'allais dire à disposition, non, c'est pas comme ça, vous les conservez. Et ils sont liés au quotidien des gens. Et cet aspect sensible est essentiel pour comprendre ces livres d'heures que nous associons souvent au monde religieux. Mais non, ils s'inscrivent en fait dans le temporel, ils s'inscrivent dans la nécessité avec une lecture de cette période 13e jusqu'au 15e, 16e siècle où la prière est essentielle, mais pour le quotidien, la religiosité est présente sans cesse. Bien sûr, la religiosité est essentielle. On a parlé tout à l'heure de sanctification de la journée. Il s'agit aussi pour le chrétien de se faire pardonner ses péchés en priant. Il s'agit aussi de prier pour les défunts. Il s'agit d'accompagner l'agonisant en train de mourir en priant. Donc il y a une dimension affective et vitale très très très forte dans les livres d'heures. C'est très émouvant de voir que ces livres ont vraiment accompagné les fidèles de manière très intense. Et dans cette intensité qui nous interpelle aujourd'hui, le quotidien apparaît dans les livres d'heures, mais un quotidien profane. Écoutez cet extrait de l'émission Heure de culture française en 1953, quand Robert Brun, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, évoquait l'enlumineur, cet enlumineur qui s'intéressait au monde qui l'entourait, le quotidien, ce quotidien profane. Le souci du réalisme se traduit aussi par une certaine recherche de la couleur locale, par la place donnée aux scènes familières et par une vision plus directe de la nature. Rien n'est plus significatif à cet égard que les images qui illustrent le calendrier des livres d'heures. On sait qu'il s'agissait de livres de piété permettant aux laïcs de suivre les offices des heures canoniales, d'où leur nom. Et il n'était pas de famille aisée qui n'en possédât au moins un. Chaque mois de l'année, il était décoré de petites scènes qui retraçaient les travaux des champs suivant la succession des saisons et les jeux et les occupations de l'homme depuis l'enfance jusqu'à la mort. Janvier évoque les joies robustes de la table, la vie ralentie au coin du foyer, mars, la taille des arbres. Puis viennent le renouveau d'avril, les conversations amoureuses de mai, la fenaison, la moisson, les vendanges, la glandée sous les rafales de novembre. Robert Brun, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, qui évoquait ces livres d'heures qui, alors là, pour l'historien, l'historienne, est une source d'information essentielle pour le quotidien. Inès Villela-Petit, par leur production même, par l'intérêt qu'avaient les gens dans le monde, les laïcs de leur environnement, eh bien, l'enlumineur a placé des clins d'œil sans cesse qui aujourd'hui nous parlent. C'est une source d'information d'une richesse absolue. c'est effectivement dans le calendrier très souvent que se placent des scènes profanes en fait et qui pourtant viennent s'intégrer dans un livre des dévotions puisque ce sont des illustrations traditionnelles associées au calendrier et qui en fait superposent plusieurs temporalités. On a parlé de la sanctification de la journée, le calendrier c'est le calendrier de l'année avec l'indication des fêtes, l'indication aussi, la représentation des signes du zodiaque et donc des travaux, des saisons avec des représentations qui peuvent être plus familières, humoristiques aussi, jusqu'à des grandes scènes qu'on trouve dans le calendrier des très riches heures de Jean de Berry avec des notations très effectivement réalistes, naturalistes, dans la célèbre, une des plus célèbres qui est la représentation pour le mois de février. On voit des paysans qui se chauffent au coin du feu, la cheminée qui fume, les traces de pas dans la neige, donc une approche de la réalité sensible en fait des éléments et qui tient aussi à la grande qualité des peintres qui l'ont réalisé. Marie-Pierre Dion, justement, à propos de ces très riches heures du duc de Berry, donc conservées au musée Condé de Chantilly, évidemment, hein, au moment de l'exposition collectionner les livres d'heures, il faut s'arrêter sur cet ouvrage que nous connaissons parce que bien souvent il a été utilisé pour illustrer les manuels scolaires, les ouvrages de histoire que nous lisons. Cet ouvrage, dans sa matérialité, c'est un grand livre, c'est un petit livre. À quoi ressemble-t-il ? C'est un livre de taille supérieure à la moyenne des livres d'heures. Il a environ une trentaine de centimètres de hauteur, une vingtaine de centimètres de large. On pourrait presque parler de A4 à son sujet. C'est un livre épais, hein, qui compte 210 feuillets, 420 pages. Donc c'est un livre relativement imposant par rapport à la moyenne des livres d'heures. On a presque l'impression, en l'approchant, que ce n'est pas un livre qui a été conçu pour la prière quotidienne, mais plutôt pour la jouissance esthétique. La jouissance esthétique, eh ben, c'est ce que nous croisons aujourd'hui dans le cours de l'histoire à propos de l'enluminure, de ces très riches heures de l'enluminure, ces livres d'heures qui contiennent les prières, évidemment, et parmi les prières, il y a les matines, et les matines parfois sont chantées par Juliette Gréco avec des paroles de Pierre Macorlan. Le vent a balayé la digue, rose dans un matin congru. Bon vent pour celui qui navigue, en dehors des moments perdus. Kétisis caille dans la brume, son linge ne séchera pas. C'est toujours ainsi dans la brume, pour Hendrick et pour Siska. La prairie comme d'Angélique fait bon accueil à la Siska. L'éclusier près de ses tulipes fume sa pipe de gouda. Kétisis caille dans la brume, son linge ne séchera pas. C'est toujours ainsi dans la brume, pour Hendrick et pour Siska. Alors c'est l'Angélus sur dame, les enfants bu leur café. Devant l'estaminet bien calme, la servante met son bonnet. Kétisis caille dans la brume, son linge ne séchera pas. C'est toujours ainsi dans la brume, pour Hendrick et pour Siska. Sur l'eau, la malle d'Angleterre et ses passagers endormis saluent la côte hospitalière et les maisons du plat pays. Kétisis caille dans la brume, son linge ne séchera pas. C'est toujours ainsi dans la brume, pour Hendrick et pour Siska. Et ici, et dans la brume, offrant au vent son nez fripon. Mais c'est ainsi qu'elle s'enrhume dans cette brume de saison. Qu'est ici, ça est dans la brume, c'est une source de tracas. C'est toujours ainsi dans la brume pour Hendrick et pour Siska. Juliette Gréco qui chante Les Matines des Matines, écrite par Pierre Macorlan dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Élise Leu. Dans le cours de l'histoire, nous feuilletons des livres, mais pas n'importe lesquels, les livres d'heures qui nous conduisent au Moyen-Âge, qui nous fascinent par l'enluminure. Mais le livre est aussi une économie, il y a une production du livre. Inès Villela-Petit, nous avons là aussi souvent en tête l'image du moine copiste. Est-ce que le livre d'heures est produit ainsi? Est-ce qu'il est produit dans les monastères? Alors, certainement pas à Paris, en fait, où se trouve le gros de la production médiévale de livres d'heures, puisque dès le XIIIe siècle, on a des ateliers d'enluminure et des ateliers de fabrication du livre laïque pour répondre à l'augmentation des besoins en livres, ceux de l'université de Paris, de la cour, plutôt des cours princières, de la bourgeoisie montante, et donc une production massive et une spécialisation des artisans, qui sont des artisans laïcs pour la plupart. Ça n'est pas la même cas de figure dans d'autres centres de production. On a encore une production plus monastique, en fait, dans certaines villes d'Italie, par exemple. La plupart des livres d'heures parisiens sont produits dans ces officines, notamment près de la cathédrale Notre-Dame et dans certains quartiers, comme la rive gauche, en fait, autour de Saint-Séverin, où il y a beaucoup d'ateliers, de copistes et d'enlumineurs, de relieurs. Marie-Pierre Dion, parmi tous les livres d'heures conservés à Chantilly, et puis ceux qui sont présentés à l'exposition à collectionner les livres d'heures, il y a évidemment des études faites autour de chaque ouvrage avec des filiations très nettes. Il est possible de savoir, étant donné que le commanditaire se fait représenter, nous connaissons à qui il appartenait, nous connaissons les ateliers ou en tout cas les régions de production. Le commanditaire, malheureusement, ne se fait pas toujours représenter. Et il faut toute la science et le talent des historiens pour reconstituer les filiations des différents ateliers. Mais par exemple, si on prend le livre d'heures d'Étienne Chevalier que vous avez donc à Chantilly, qui est un livre d'heures donc du milieu du XVe siècle, réalisé par Jean Fouquet, qui est quand même un des plus grands artistes de ce XVe siècle-là. Alors là, c'est simple, parce qu'on a la volonté ostentatoire de montrer qui a commandé un livre d'heures aussi beau. Oui, les heures d'Étienne Chevalier, qui était un grand commis de l'État, un proche des rois de France, est un livre de prestige. C'est un monument de la peinture occidentale, et il est tellement beau d'ailleurs qu'on l'a découpé au XVIIIe siècle de manière à pouvoir l'accrocher et le regarder comme un tableau. Oui, parce que cette association entre le texte et l'image, vous nous l'avez expliqué l'une et l'autre, est essentielle pour ceux qui utilisent ces livres d'heures. Dès lors, la question se pose, c'est celle de l'enlumineur, c'est de la personne qui crée ce livre, pas particulièrement un religieux, évidemment pas dans le cadre d'un monastère, et parfois c'est dans un cadre complètement laïque où l'on trouve des religieux, mais c'est le cas notamment à Kaamelott. Oui, évidemment, Kaamelott, la série d'Alexandre Astier. Mais ils étaient seuls ou ils étaient plusieurs? Qu'est-ce que ça change? Bah, ça change que s'ils étaient plusieurs, ça finit par un i. Mais bon, ça va, j'ai pas encore accordé, alors. Non, il était tout seul. Quoique lui plus l'autre... Non, ils étaient plusieurs, en fait. Je crois qu'on s'est mal compris, là. Vous avez une idée du temps qu'il me faut pour tracer une lettre avec ces putains de plumes? Personne ne vous demande de tout noter aussi, hein. Ah, si, c'est moi qui demande. Oui, on se demande bien pourquoi. Mais pour vous faire entrer dans la légende. Parce que je vous signale qu'entre vos chevaux morts et vos chevaux malades, moi j'ai une légende à écrire. Bon, il me semble qu'il nous parle bien de travers, le Cureton, aujourd'hui. Ouais, c'est ça, allez jouer ailleurs avec vos paperasses, là. Hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos bouquins? En plus, c'est du latin, personne n'est foutu de les lire, alors. Si tout le monde s'en fout, je vais pas insister pour me faire mal au doigt, allez. Non, c'est pas une option. Vous notez tout, c'est pas autrement. Alors par contre, personne vous demande d'aller me faire des lettrines de 15 bornes de haut avec des fleurs et des angelots partout, hein. Attendez, enlevez pas les dessins, c'est le seul truc que je comprends. Voilà, c'est le seul truc qu'on comprend dans les livres d'heures, les images. Ben, c'est effectivement, souvent la seule chose que l'on retient, hein, et puis nous l'avons entendu, parfois ces images sont découpées au XVIIIe siècle, exposées, collées sur du bois comme un tableau. Inès Villela-Petit, malgré tout, le livre vaut au Moyen-Âge pour ce qu'il a d'entier. Dans ce livre d'heures, il y a le texte, il y a l'image, il y a, vous nous l'avez dit, un lien sensible à la prière et donc au livre, et presque un lien familial dans ces livres d'heures. C'est souvent le seul livre, en fait, de la famille. Et c'est un livre personnalisable dans lequel on va volontiers inscrire des dates marquantes, la naissance des enfants, par exemple, ou le jour des défunts de la famille, qui permet évidemment de penser à eux et de recueillir en fait cette mémoire et cette histoire familiale dans un livre qui est adapté à chacun. Et en tout cas, dans les versions manuscrites en fait des livres d'heures, il n'y en a pas deux pareils. Évidemment, c'est une caractéristique qu'on va perdre avec le livre imprimé. Mais dans un livre d'heures, on peut ajouter des images pieuses, comme on le fera plus tard dans des missels. On peut aussi commander un choix de texte particulier avec ce qu'on appelle les suffrages des saints, donc des prières pour les saints, et on peut choisir pour quel saint on souhaite prier. Certains ont des dévotions nombreuses et parfois des dévotions qui reflètent les grandes étapes de leur vie. Je pense au maréchal Bouticot qui a un livre d'heures somptueux, au musée Jacques Marandré avec de très nombreux saints représentés dans les suffrages. Et quand on regarde de plus près, on se rend compte en fait qu'il a choisi ses dévotions en fonction des grandes étapes de sa vie, des endroits qu'il a visités, par exemple le monastère de Sainte-Catherine au Sinaï, donc il est représenté devant une Sainte-Catherine. Ou encore Saint Léonard, patron des prisonniers, puisque ce personnage, qui est un grand homme de guerre, a été fait prisonnier dans des circonstances assez dramatiques et sans doute attribué à Saint Léonard sa délivrance. Oui, parce que c'est intéressant avec le maréchal de Bouticot. Donc là, nous nous trouvons au XIVe siècle et début XVe siècle. Et ce personnage, c'est Jean, s'appelle Jean. Et le livre d'heures n'est pas dédié à Saint-Jean. Il est plutôt orienté vers Sainte-Catherine, ce qui permet en fait de faire des suppositions autour de ce choix. Le livre d'heures parle de la personne, Inès Villela-Petit. Oui, alors à l'époque, en fait, on a deux dévotions privilégiées, en plus de, évidemment, celle à la Vierge, au Christ, et aux grandes personnes des évangiles, personnages des évangiles, mais on a son saint patron naturel qui est le saint patron dont on porte le nom. En l'occurrence, pour lui, c'est l'un des deux saints Jean, ou les deux, et le saint patron, ou la sainte patronne du jour de la naissance. Et parfois, on a un personnage dont on sait par exemple qu'il s'appelle Jean et que l'on voit représenté devant son saint Jean, mais parfois aussi devant un saint ou une sainte qui, a priori, n'a pas le même nom. Et c'est parfois un saint qui est choisi précisément parce que, en l'occurrence, le maréchal a pu naître le jour de la Sainte Catherine, ce qui lui donne une dévotion naturelle pour cette grande sainte. À partir du XIIIe siècle, le livre d'heures connaît un immense succès, qui culmine au XVe siècle. Marie-Pierre Dion, à quel moment le livre d'heures a tendance à être mis de côté, à perdre de son aura? Le livre d'heures connaît une floraison extraordinaire à la fin du XVe siècle et un regain de diffusion grâce à l'imprimerie. Et il commence à être concurrencé par d'autres livres au début du XVIe siècle. Et l'Église encourage à partir du Concile de Trente d'autres types de dévotions. Et c'est à partir de ce moment-là, après le Concile de Trente, qu'il tombe peu à peu en désuétude pour les lecteurs, mais pas pour les collectionneurs qui continuent à les conserver pieusement et grâce auxquels beaucoup ont été transmis jusqu'à nous. Alors la question du collectionneur est essentielle parce que nous avons, et ça a été rappelé au XVIIIe siècle, une volonté de découper ces images, de les coller parfois sur un panneau de bois pour les exposer. Et c'est ce qu'on retrouve hein, dans des musées, au musée Marmottan à Paris par exemple. Il y a une grande collection de ces enluminures découpées. Il y a une volonté de collectionner le livre en tant que tel au XIXe siècle principalement. Et là, évidemment, nous sommes à Chantilly, au musée Condé, avec cette figure majeure qu'est le duc d'Aumale, donc un des fils du roi Louis-Philippe, qui devient un grand collectionneur. Dites-nous comment s'est constituée, Marie Pierdon, cette collection de manuscrits, de livres d'heures du musée Condé à Chantilly. Alors, le duc d'Aumale est d'abord l'héritier de la collection des princes de Bourbon-Condé. Et dans cette collection, il y avait un superbe livre d'heures, le livre d'heures de Marguerite Coetivi, qui a sans doute fait sentir au duc d'Aumale qu'il y avait là un support essentiel pour la peinture et un type de livre particulièrement intéressant pour l'histoire de l'enluminure. Donc son intérêt pour les livres d'heures s'est développé autour de la collection des Bourbon-Condé. Elle s'est développée aussi d'autant plus facilement que le duc d'Aumale était exilé en Angleterre, où les collectionneurs s'intéressaient beaucoup à l'art de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, où circulait un très grand nombre de livres d'heures. Et au fil des occasions, le duc d'Aumale a acquis des pièces exceptionnelles, la plus importante étant les Très Rigeurs du duc de Berry, mais vous avez également cité les heures d'Étienne Chevalier, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Le duc d'Aumale a par contre acquis assez peu de cuttings, c'est-à-dire ces pages enluminées découpées dans le manuscrit. Il était davantage bibliophile que collectionneur de cuttings. Les heures d'Étienne Chevalier étaient un document exceptionnel, c'est la raison pour laquelle il l'a acheté, mais il préférait les livres entiers. Il préférait les livres entiers, et bien justement, je vous propose d'aller à la rencontre du duc d'Aumale, qui avait un grand goût pour les livres, et puis en même temps qui était richissime, ce qui tombe toujours bien quand on est collectionneur. Écoutez Daniel Königsberg qui nous lit la manière dont le duc d'Aumale racontait l'acquisition des très riches heures du duc de Berry. Au mois de décembre 1855, je quittais Twickenham pour aller faire visite à ma mère, alors malade à Nervi, près de Gênes. Panizzi m'avait mis en demeure de voir un manuscrit intéressant qui lui était signalé par un de ses amis de Turin. Et je fis connaissance avec les heures du duc de Berry, déposées alors dans un pensionnat de jeunes demoiselles, Villa Pallavicini, dans la banlieue de Gênes. Une rapide inspection me permit d'apprécier la beauté, le style, l'originalité des miniatures et de toute la décoration. Je reconnus le portrait du prince, ses armes, le donjon de Vincennes, etc. On me dit, suivant l'usage, que les compétiteurs étaient sérieux. Je ne répondis rien à cet avertissement qui me semblait banal et qui était cependant plus fondé que je ne pensais. Mon parti était pris et je mis l'affaire aux mains de Panizzi. Au bout d'un mois, le livre d'heures avec miniature portant sur la couverture des blasons Serra et Spinola de Gênes, ainsi défini dans le reçu, était en ma possession. Cédé par le baron Félix de Margarita de Turin, qui le tenait lui-même par héritage du marquis Jean-Baptiste Serra pour la somme principale de 18 000 francs. Daniel Königsberg qui lisait comment le duc d'Aumale racontait l'acquisition des très riches hasards du duc de Berry. 18 000 francs, dites donc, quant à, c'est en 1855, gagner 1200 francs par an, assure une situation confortable. Voilà, un ouvrier qui travaille à l'usine peut gagner 1200 francs. Donc, 18 000 francs, c'est absolument énorme. Inès Villela-Petit, cet intérêt du duc d'Aumale au 19e siècle pour collectionner les livres d'heures, est-ce quelque chose en marge ou est-ce vraiment un intérêt global? En fait, comment ont été perçus les livres d'heures après leur grand succès et après le 16e siècle quand ils commencent à disparaître, enfin, en tout cas que leur production s'arrête? Alors, il faut savoir que les plus beaux manuscrits enluminés n'ont jamais connu la défaveur de la peinture médiévale. Du fait qu'ils étaient gardés dans les bibliothèques, ils ont toujours été appréciés, y compris sur le plan commercial, valorisés. Il y a une sorte de continuité de la collection depuis les princes du XIVe, XVe siècle, puisque d'une certaine façon, les très riches heures et d'autres livres d'heures du duc de Berry, comme les grandes heures, sont déjà de leur temps des livres de collection. En général, dans les inventaires des princes, on nous signale tel livre d'heures qui n'est pas forcément le plus beau, qui est parfois un livre hérité de ses parents, dans lequel Monseigneur le Duc dit ses heures. Et les autres livres d'heures reflètent certes les dévotions du prince, mais sont davantage des livres de contemplation. C'est le cas des très riches heures de Jean de Berry que sa mort et celle de ses enlumineurs vont laisser inachevées, mais qui reflètent un summum, en fait, la quintessence en fait de l'art de son temps. Et peut-être qui sont le plus personnalisés de tous ces livres, sans doute parce qu'il était déjà âgé, il arrivait à la fin de sa vie, et en plusieurs endroits, et notamment dans certaines pages du calendrier, on a des allusions directes à la vie du prince, et qu'on ne trouve pas ailleurs sous cette forme-là, le fait qu'il ait fait représenter ses châteaux, par exemple. Ça, c'est une très originale. Et le fait qu'il ait son portrait, en fait, représenté au mois de janvier, alors que l'enluminure traditionnelle pour le mois de janvier du calendrier, c'est une représentation du dieu Janus antique, avec son double visage, tourné l'un vers le passé, l'autre vers l'avenir. Et en fait, le duc de Berry prend la place de ce petit personnage de calendrier, comme s'il était au début et à la fin, et à la fin de sa vie aussi. Et cet ouvrage, donc qu'il a laissé inachevé, a été conservé précieusement, alors qu'il n'était même pas encore relié, puisque non terminé, en 1416, à sa mort. Et puis vous évoquez, Inès Villela-Petit, ce détail. Alors c'est vraiment ce qui nous fascine dans ces enluminures, c'est le détail. Ce qui nécessite, Marie-Pierre Dion, conservatrice au musée Condé de Chantilly, de permettre au public d'accéder à ces détails. Sauf que un livre d'heures, c'est difficile à exposer en continu, on peut pas tourner les pages. Il y a aujourd'hui, grâce à la technique, des moyens de donner à voir ces détails. Oui, nous proposons dans le cabinet des livres, donc in situ, un feuilletoir numérique qui permet de s'immerger en profondeur dans les enluminures et de percevoir ce qu'il est difficile de voir à l'œil nu, non seulement les détails iconographiques, mais également le moindre trait du pinceau des frères Limbourg, qui est d'une habileté incroyable. Donc, ce feuilletoir permet une consultation bien meilleure que la vision d'un manuscrit sous vitrine, même si la vision de l'original reste bien sûr l'idéal à atteindre. l'idéal à atteindre, effectivement, Marie-Pierre Dumont. Et je voulais justement terminer sur cette question, parce que Inès Villela-Petit, vous avez consulté ces livres d'heures, vous les avez eus sous les yeux. Aujourd'hui, beaucoup sont numérisés, donc vous avez accès à d'une qualité exceptionnelle sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale. C'est toujours impressionnant de zoomer sur ces livres d'heures. Vous ne regrettez pas d'un seul coup qu'il y a un écart qui se crée avec ces ouvrages que vous avez pu avoir sous les yeux? Ce sont deux approches différentes. C'est évidemment très émouvant d'avoir le livre propre entre les mains. Mais pour l'étude, on est obligé d'y revenir beaucoup. Le fait d'avoir bonnes images numériques accessibles est évidemment un privilège, une facilité aussi pour le chercheur d'aujourd'hui que n'avaient pas nos prédécesseurs d'il y a seulement 50 ans. Et d'une manière générale, pour le public, c'est aussi un privilège de pouvoir finalement feuilleter et consulter comme un prince les plus beaux livres d'heures qui autrefois étaient tout de même réservés à un milieu de cour. On pouvait consulter entre intimes, en fait, les proches du prince et lui-même. Et aujourd'hui, l'image s'est démocratisée. Et on peut regarder de très près, finalement, ces superbes ouvrages. Eh bien, vous avez raison de le rappeler pour les chercheurs, mais également pour tous les curieux d'ailleurs. Mais nous allons mettre sur le groupe Facebook du cours de l'histoire des liens vers le musée Chantilly, vers le site Gallica de la Bibliothèque Nationale, juste pour le plaisir d'aller feuilleter comme ça, au hasard, un livre d'heures. C'est toujours un véritable plaisir. Merci beaucoup Inès Villela-Petit et merci beaucoup Marie-Pierre Dion de nous avoir fait feuilleter ces livres d'heures. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin dans le journal de l'histoire, les forces de l'ordre et leur image, une histoire au long cours. Demain, la loi dite de sécurité globale est débattue à l'Assemblée nationale. Une loi contestée qui envisage d'interdire de filmer ou de photographier le visage des forces de l'ordre. De nombreuses critiques s'expriment à ce sujet en matière d'atteinte aux droits des victimes, de violences policières et de liberté d'informer. Diffuser des images de policiers, de gendarmes en uniforme, pourrait bientôt ressembler à cela. Des visages floutés, aucun élément pour les identifier sous peine de 45 000 euros d'amende et un an de prison si l'image porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique. S'il s'agit de protéger les agents de la force publique, depuis l'instauration de leur présence dans cet espace public, leur visibilité est un enjeu majeur pour imposer non seulement l'exercice de la loi, mais aussi la possibilité pour les citoyens de les identifier clairement. L'uniforme a d'ailleurs été pensé pour ça lorsqu'il est généralisé en 1829. Signaler à la fois la présence de la force publique et la soumettre au regard et à la surveillance de la population. Imposer le gendarme et le policier dans l'espace public a été une histoire de plusieurs décennies avec un enjeu double. En faire les incarnations du respect de la loi, mais aussi de la sécurité des citoyens. Le 19e siècle, c'est le moment de la construction de l'État-nation, avec l'invention de grandes figures symboliques, mais aussi de petits agents qui occupent l'espace et l'ordinaire quotidien. Le policier et le gendarme en tenue sont arrivés, encore faut-il les installer dans les habitudes. Pas facile de défendre ces nouveaux fonctionnaires, tant l'imaginaire des mouches du 18e siècle ou de Vidocq, l'ancien roi des voleurs à la tête de la police des années 1830, agissent encore. Ces agents, on les imagine brutaux, proches de la pègre, espions, voire mercenaires d'un pouvoir politique qui se préoccupe davantage de ses intérêts que du bien-être de la population. Pour lutter contre des hommes comme ça, vous devez connaître leurs manières, leurs habitudes, leur monde. J'ai oublié que vous étiez l'un d'eux. Non, je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez besoin de résultats, je peux vous les fournir. Les rébellions contre cette autorité de la rue sont nombreuses, mais diminuent au cours du siècle, l'agent de police et le gendarme entrent progressivement dans le paysage. Si l'imaginaire noir de la police persiste, on y ajoute le stéréotype de la mollesse administrative, mais aussi un certain héroïsme social dévoué à l'idéal républicain au bénéfice du plus grand nombre. Pour y arriver, en 1854, une police à la londonienne est mise en place et un bobby à la française est encouragé à multiplier les pratiques d'îlotage, d'interaction avec les habitants de son secteur, pour habituer la population à voir en lui un recours dans la pacification de l'ordre public aussi bien qu'à l'occasion de violences conjugales. Un ordre national doit s'imposer, mais en douceur, dans un ordre jusque-là privé. Le Second Empire préconise de surveiller et séduire, et au fil des changements de régime très nombreux au XIXe siècle, l'institution elle-même enregistre la nécessité d'une apparente neutralité politique, meilleur moyen d'échapper aux épurations à chaque fois que le pouvoir change de main. La Troisième République consacre les forces de l'ordre en tant qu'armée de la République au service de la nation dans une guerre contre l'armée du crime. Une construction morale et institutionnelle du bien et du mal qui imprègne l'éloquence républicaine, mais aux frontières sans cesse remises en question depuis son invention. Merci Anaïs Quien. Le journal de l'histoire se retrouve sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Valentine Lovrin, Odile Joissel, Anne Toscane-Viudès, Marion Dupont. Une émission dont la programmation est assurée par Maïwan Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter et à podcaster pour la balado-diffusion sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Vous pouvez commenter ces émissions sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire, un groupe où vous êtes de plus en plus nombreux, vraiment ça fait très plaisir. Nous allons l'enrichir aujourd'hui avec des liens vers les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque Nationale, voire du musée Condé à Chantilly. Demain nous continuons notre histoire du livre en allant faire un tour sur le marché, oui le livre sur le marché, avec l'invention de la librairie. We'll be right back.